Inna Allah yahdi man yasha. Toi, non. Qui? Dieu. Tais-toi. Tais-toi sur ce qui dépasse le cadre. Et ça, ça devrait être une règle, les frères. Les sœurs, ça devrait être une règle. Faites attention à ça. Faites attention de ne pas faire ce qui, justement, ne nous est pas possible. Aller plus loin que ce que Dieu nous permet. Et souvenez-vous du prophète, alayhi salam. Venez et priez là. Priez. Priez au nom du Dieu auquel vous croyez. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu l'avait voulu, vous seriez musulman. Et je serais chrétien, peut-être. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Vous êtes chrétien. C'est Dieu qui le veut. Priez. Et c'est Dieu qui décide après. C'est ça qu'on devrait avoir dans nos relations avec les gens du livre.